Bolondo et toi, Zombre c'est bête, bobine à cha. Et dans ton silvette, et dans ses rythmes de l'orchestre. Bolondo et toi, Zombre c'est bête, bobine à cha. Et dans ton silvette.